Il réforme le calendrier. Tournant ensuite ses vues vers la réorganisation de l'État, César corrigea le calendrier, tellement dérangé par la faute des pontifes et par l'abus déjà ancien des intercalations, que les fêtes de la moisson ne tombaient plus en été, ni celles des vendanges en automne. Il régla l'année sur le cours du soleil et la composa de 365 jours en supprimant le mois intercalaire et en augmentant d'un jour chaque quatrième année. Pour que ce nouvel ordre de choses pût commencer avec les calendes de janvier de l'année suivante, il ajouta deux autres mois supplémentaires, entre novembre et décembre, à celle où se fut cette réforme. Et elle fut ainsi de 15 mois avec l'ancien mois intercalaire qui, selon l'usage, s'était présenté cette année-là.